nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mjina la Yesu Kristo. Les projecteurs là, on peut l'éteindre. Et maintenant, ce que j'ai mis les projecteurs. Ça m'éblouit. Une nezuiza kuona mzuri. Si vous pouvez l'incliner dans l'assemblée, ça va pas ici à la chair. Kama naweza kukunjamishia makutano hapana kwa mimbari. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nasalimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Je salue en même temps les frères et les sœurs qui sont connectés. Na vile vile nasalimia nduku na wadada wa mtandao. Avant de commencer la prédication. Mbele ya kwanza mahubiri. J'aurais besoin de ces frères. Taitaja wanduku. Après le service. Kisha mkusaniko. Il y a le frère Kali ingénieur. Nduku Kali mfundi. On a besoin de tous les maçons de l'église. Tuko na itaji wa mason bote wana jenga kwa kanisa. Frère Benjamin. Nduku Benjamin. Bruno. Nduku Bruno. Cheribin. Bondo. Nduku Bondo. Venance. Nduku Venance. Et les autres. Na awengine. J'aurai encore besoin de soudeurs. Balo na sudaka bote mamona tena pasteur Misho nduku Musa nduku Kas et tous les autres na wengine wote na sudaka. J'aurais besoin de frère Gimbayo nduku Gimbayo na ya mone pasteur frère Mbaze Junias Serge nduku Junias nduku Mbaze na frère Serge bote. Et enfin j'aurais besoin de tous les peintres na kumwisho balo na pentaka bote na bo mamone pasteur. Je reprends le communiqué. Narudiyamo kutangazo. À la fin du culte. Kumwisho ya kazi ya mahubiri. J'aurai besoin de frère Kali l'ingénieur. Nduku Kali mfundi amone pasteur au bureau. De tous les maçons. Na bali banayenga kabote. Les soudeurs. Bansuda kabote. Les peintres. Bale bakupenta. Frère Gimbayo. Nduku Gimbayo. Mbaze. Nduku Mbaze. Nduku Jinyas. Et Serge. Na frère Serge naye. Ce matin, je voulais revenir sur un petit problème. Yasubui nipenda kurudia na mambo mwa kidoko. C'est sur la remarque que l'homme de Dieu avait fait. Ni yule aliangalisho mtumishi alifanya. Je dis au sujet des sifflets. J'ai dit kwa ile nangaria mafrimbi. Ce qui est vrai. Kenye kwa kya kweli. Lorsque nous chantons, mwakati tukunaimba, il doit y avoir de l'harmonie. Kuna pashi kuya mapatano mbili tukunaimba. Tous les instruments que nous utilisons vyombo vyote vile tunakaraka mkutumikisha doivent s'accorder pour donner un son harmonieux. Binapasha kubambana kuwa pamoja njo kuleta muririo ya mzuri. Et pour louer le Seigneur, na kwa ile nangaria kusifu Mungu, on peut utiliser n'importe quel instrument. Unaweza kutumikisha kiombo kyochote. Mais pourvu que cet instrument-là s'accorde avec les autres pour donner un son harmonieux. Lakini ile kiombo natumikisha kinapashi kutosha muririo mzuri yenye kuambatana na vyombo vyote njoo itoshe mzuri. Maintenant si vous utilisez un instrument. Sasa kama unatumikisha kitu kimoja wala kiombo kimoja qui commence à désorienter les autres. Kinaanza kushindisha vyombo vingine bimbe mzuri. qui ne s'accorde, son son ne s'accorde plus avec les autres instruments. Muririo ya ile kiombo unatumikisha ayambatane na hivi vyombo vingine. Cela n'est plus juste. Ile aina tena usawa. En termes clairs, je dis ceci. Mukusema wazi wala kwa kepesi mimi nasema hivi. Utiliser n'importe quel instrument. Unaweza kutumikisha kitu kyokyote. Mais la manière de jouer votre instrument. Mais namna ya kupika wala kuririsha ile kitu unatumikisha. Il faut que le son s'accorde avec d'autres instruments. Inafadhali mulilio yayo yambatane na hivi vyombo vingine. Pour donner un son harmonieux. Kusudi mulilio wala sauti ile kunatoka ikuwe ya mzuri yambatane. Parmi les nations. Katikati ya mataifa. Il y a beaucoup d'instruments de musique que la Bible n'a pas mentionné. Muko vyombo vya mingi ya kuimba nabyo bile Biblia ikutai. Mais ceux qui le jouent. Mais lakini bale banepikaka. Le jouent de manière à harmoniser le son. Beko ne vipika munamna ya kusema mulilio wala son ikuwe mzuri. Pour que ceux qui écoutent reçoivent un son harmonieux. Kusudi bale beko nashikia bapate mulilio mwa yenye kwa ya sawa ya kunyoloka. Que le son soit agréable à tout le monde. Ikuwe ya kushikirika mzuri kumashikio ya batu bote. C'est ce que nous devons faire. Njoo ile tunapashi kufanya. C'est ça la vérité. Njoo ukweli. Maintenant quand vous jouez le tam tam. Wakati unapika ngoma. Mais votre tambourin là dérange. Lakini muririo wa ngoma yako inaanza kuuji watu. On commence à décaler les notes. Wala inaanza manote ayambatane tena mzuri. Ça commence à embrouiller la louange. Inaanza kuuji namna ya kusifu. Ce n'est plus juste. Ile aina tena mzuri. Si vous voyez Frère Banam disait. Njoma na washikia ndugu Banam anasema. Avant de payer un instrument. Mbele au kwenda kuuza chombo chochote. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait bien le jouer. Unapasha kuuliza mtu na kuipika mzuri. Et à ce moment-là, ça va s'harmoniser avec le reste. Na mwile wakati itambatana na hivyo mbo vingine. Et même quand vous chantez. Na ata mwakati unaimba. Nous chantons avec intelligence, avec sagesse. Tunekaramu kuimba na akili na hekima. Vous ne pouvez pas chanter avec une voix qui désoriente les autres. Awezi kuanza kuimba na sauti moja ile kunashindisha wala na shindisha watu wengine kuimba. C'est pourquoi ceux qui sont spécialistes ou les choristes. Wa kwaya bado wanajua. Ils ont des voix. Beko ils na ma les gens selon le voix. Banapangaka bantu kufuatana na masauti yabo ya kuimba nayo. C'est ce qui est bon. Njoo kingekuwa kizuri. Maintenant, si tu es choriste, tu as une voix très élevée. Sawa kama mwimbaji una sauti ya yulu kabisa. Qui ne s'accorde pas avec d'autres voix. Inaanza kukotorisha watu wengine. Ça, ce n'est plus aussi correct. Ile aina tena mzuri. Parce que quand j'ai parlé avec le frère. Sawa wakati nisumbulana nduku. Le frère Elisha. Nduku Elisha. Il m'a dit qu'il y a un frère ou une sœur qui lui a écrit à ce sujet. Sawa nduku wala dada mwa mwandikia kule mambo. Évitez de le faire. Moi, pourquoi kufanya vile? Vous avez un pasteur. Muna pasteur wenu. Je l'ai toujours répété plusieurs fois. Mine kalaka mkuisema kila wakati. Si vous trouvez qu'un prédicateur a dit quelque chose qui a dérangé. Kama unaona sema mhubiri mgeni mwa alisema kitu kimwa wa uchiki wala kinakuuji. Voyez le pasteur. Wendo kamone mchungaji wako. Si le pasteur vous autorise de voir le prédicateur. Ni kama pasteur wako anakuruhusa sasa wendo kamone mhubiri. C'est juste. Ile ni mambo kunyoloka. Il n'y a pas un problème. Pala pana mambo. Mais il y a des petits problèmes. Na kikuto mambo tuma tuloko. Quand on entend ou on voit. Wakati unashikia wala unaona. On n'en fait pas un problème. Atufanyia kinakuwa mambo. C'est comme la remarque que le frère a fait. Ni pa vile nduku alifanya angalisho. Ce n'était pas important. Aiko ya mafa. Que l'église ou qu'il y ait des frères qui se lamentent à ce sujet. Ko banduku jo banze kunungunika kweli mambo ya mafimbi. Voilà pourquoi j'ai tenu à dire ces mots. Jo komana nilipenda kusema hivi. Au sujet des enfants. Kwa ile nangaria batoto. Bien, c'est tout à fait normal. Ni ya kawaida. Ce qu'il a dit est tout à fait humain. Ya alisema ni muzuri ya mutu. Parce qu'un enfant ne peut pas supporter une voix, un son très fort. Sababu batoto abavumili yake ma sauti ya nguvu sana. Et même les hommes adultes. Na sama hata bakubwa. Voilà pourquoi nous avons des amplificateurs. Je commande ton amplificateur. C'est pour permettre que les sons soient réglés. Ninja kurusu asema muririo avyombo bapate kuiregler bayoke musawa. Aider au peuple de Dieu de recevoir un son clair. Ba ça aider batoto ya Mungu bapoke muririo ya muzuri. Misemo kuna shikirika muzuri. Qui ne peuvent pas déranger les oreilles. Il est aiwezi kwenda kuuji mashikio yabo. C'est pour les techniciens doivent régler toutes ces choses là. Je commande aux fundi bana pas kwanza kuangalisha tout les mabitu toti. Et c'est la raison pour laquelle nous avons payé beaucoup d'histoires. Njo sababu yenye tuluza bitu ya mingi. Qui ne sont pas encore placés dans l'église. Bile abaiwe kabado mkanisa. C'est pour aider que les sons soient vraiment très équilibré. Ninja kusema muririo ya vyombo ipate kuwa mzuri. Que quelqu'un parle à basse voix. Kama mtu anasema na sauti ya kidogo. Qu'il crie. Alalamike. Les techniciens ont la possibilité de régler son le son. Wafundi beko na ile namna ya kuweka sauti na bakia paka mwishikio mzuri. Ceux qui écoutent reçoivent la parole en douceur. Ninja kusema wale beko nashikia bapoke neno katika upole. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il a dit. Mwili ya biota esema hakuna kibaya. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njo usome maneno. Bwana Yesu. Unyongoze kwa bahari ya maisha hata kwa mawimbi mengi kwa dhoruba ya hatari. Nous te disons merci ce matin. Yasubui, tunasema asante. Ton amour éternel a été manifesté. Upendo wako wa milele ulionekanishwa. Lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Eden. Wakati mutu alianguka bustani ya Eden. Tu n'es pas resté tranquille sur ton trône. Bakiti yako ya enzi au bakietu mwenye utulizana. Tu as abandonné l'éternité. Uriacha milele. Tu as abandonné ta gloire. Uriacha utukufu yako. Tu as abandonné ta puissance. Uriacha uwezo yako. Et tu t'es dépouillé complètement. Na ulijivula kabisa kabisa. Et tu es devenu semblable à nous. Na ulikuya kufanana nasiye. Afin de prendre notre place en toutes choses. Kusudi muvitu vyote befazi yetu. Afin de payer le prix de rachat. Kusudi upate kulipa bea ukombozi. Et de nous ramener dans la présence du Seigneur. Na kuturudisha mwepo wa Bwana. C'est pourquoi ce matin, Père. Jukomana baba yasubui. Nous te disons merci. Tunasema asante. Merci pour ce sang que tu as versé pour nous. Asante kwa ile damu ulimwanga juu yetu. Merci pour avoir accepté la souffrance. Asante kwa kuichika mateso. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Asante jua uzima iliyotupatia. Ce matin, ô Père. O Baba, iasubuhi. Je recommande ce peuple. Minachilia itaifa yako. Ce peuple précieux. Taifa ya damani. Que tu as racheté par ton sang. Nyorikomboa kupitia damu yako. Je te prie au nom du Seigneur. Jina la Bwana nakusi. Bénis chacun d'eux. Bariki la moja wao. Comme des hommes, Sawatu, nous avons beaucoup de difficultés. Tuko na magumu ya mingi. Nous avons beaucoup de problèmes. Tuko na mambo ya mingi. Mais nous croyons que c'est toi qui es notre consolateur. Lakini tunaamini kusema ni wewe ndio mpariji wetu. C'est toi qui trouves solution à chaque situation. Na ni wewe ndio kalamu pa leta jibu kwa mambo yote. Tu as été blessé et tu as versé ton sang. Kama mwanga na kumizwa damu. C'est pour nous donner le salut de l'âme. Ndio kutupatia wokovu ya nafsi. Pour nous donner, nous accorder la guérison de nos corps. Na kutupatia matunzo ya mili yetu. Au nom de Jésus-Christ. Mjina Yesu Kristu. Sauve les âmes perdues. Ukoe manafsi nyopotea. Et guéris toute maladie. Na uponye magonjwa yote. Tous les problèmes que nous avons, Seigneur. Mahitaji yote tunayo Bwana. Un secours qui ne manque jamais. Ndio msaada au kusaya kwa wakati ya mambo. Aux frères aux sœurs qui sont inquiets. Wandu kuna wadada wale kwa na manunguniko. Accorde la paix. Wapatie salama. Dieu est tout puissant. Mungu wa uwezo yote. À ceux qui sont qui ont des projets. Kwa bale benye kuwa na mapu. Dont le moyen pour accomplir. Wapatie manamna njwa utimiza mapu yabu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. À ceux qui sont troublés. Kwa bale benye kuwa mwenye kufurukwa. Salama itawali na mioyo yabu. À ceux qui vivent dans le péché. Kwa bale benye naishi mwazambi. Accorde la repentance. Wapatie kutubu. Parce que le sang. Sababu damu. Est encore frais. Ingariki tena mbichi. Merci Seigneur. Asante Bwana. Que dirons-nous? Tasema tena nini? Nous avons beaucoup de problèmes. Tuna mambo ya mingi. Toi tu nous connais plus que nous. Uone tujua kushindia tashi benyewe. C'est pourquoi dans ta sagesse. Je commande katika hekima yako. Ndani ya mapendo yako. Dans ta miséricorde. Ndani ya rema yako. Occupe-toi de notre vie. Wewe uhangaike maisha yetu. Nous glorifierons ton nom. Na tutukuza jina lako. Ne le fais pas seulement pour nous. Pana kufanya tujue tu hapa. Il y a des frères de sœurs. Banduku badada. Qui sont membres de cette église. Bali benyiko wa memba ya kanisa. Mais qui sont liés par la connexion. Benye kufungwa na mtandao. Na ushwa sawa. Merci Père. Asante Baba. Ceux qui sont empêchés. Wale wenye kuwa na makazi. Pour une autre. Jua ma sababu ya kuachana chana. Que Dieu que ait pitié d'eux. Waumie. Et occupe-toi d'eux. Na ubangaikie. Merci Père. Asante Baba. Bénis tous les membres de bariki cette église. Bariki amemba wote wa kanisa. Tous les conducteurs. Na hata waongozi wote. Ne m'oublie pas Seigneur. Shinisabu Bwana. Alors que je prépare un voyage missionnaire. Wakati nataka safiri jua kuhubiri injili. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. Donne-moi tout ce qui est nécessaire. Unipatie yote yenye kufaa. Usudi manafsi pata kujengwa. Là où nous irons. Pale tutaenda. Et donne-nous le nécessaire. Na utupatie kwa mafaa. Qui nous permettra. Ili tuturusu. De faire un bon voyage. Tupate usafiri mzuri. Merci Père. Asante Baba. Bénis l'équipe de ce matin. Bariki ibada ya asubuhi. Bariki neno tutasoma. Au nom de Jésus. Mjina Yesu Kristo. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Jérémie chapitre 46. Yeremia makumi ine na sita. Jérémie chapitre 46. Yeremia sura yake ya makumi ine na sita. Je prends le verset 27. Mitachukua musai kwa makumi mbili na saba. Et le verset 28. Na ata makumi mbili na mnani. Et nous prendrons le chapitre 47. Na tutabeba sura ya makumi ine na saba. Verset 1. Mstari ya kwanza. Nous allons sauter. Tutaluka. Pour lire le verset 4. Njua kusoma mstari ya ine. Jérémie 46. Yeremia makumi ine na sita. Verset 27. Mstari ya makumi mbili na saba. Verset 28. Mstari ya makumi mbili na mnane. Nous prendrons Jérémie 47. Eba Yeremia makumi ine na saba. Verset 1. Mstari ya kwanza. Et le verset 4. Na tutasoma tena mstari ya ine. Et toi, mon serviteur Jacob. Na wewe mtumishi wangu Yakobo. Ne crains pas. Siongope. Ne t'effraie pas Israël. Pana kwanza kutetemeka Israeli. Car je te délivrerai de la terre lointaine. Kwani nitakukomboa mwichi ambari. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Natakomboa taifa yako mwichi mule banesha kufungwa sawatumwa. Jacob reviendra. Yakobo atarudia. Il jouira du repos et de la tranquillité. Na atafurahiwaka na mapumziko na kimya. Et il n'y aura personne pour le troubler. Na akuta kuwaka tena mutu wa kumuuji. Toi, mon serviteur Jacob. Oui, mtumishi wangu Yakobo. Ne crains pas, dit l'Éternel. Apana kuongopa hivyo amilela asema. Car je suis avec toi. Kwa sababu niko na wewe. J'exterminerai toutes les nations. Na mitaua wala tamaliza mataifa yote. Parmi lesquels j'étais dispersé. Muile nikuzambalisha. Mais toi. Lakini wewe. Je ne t'exterminerai pas. Siwezi kukua. Je te châtirai avec équité. Takuwa piza. Avec équité, avec justice. Na waki. Je ne puis te laisser impuni. Jésus kwacha bila malipizi. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Bien qu'il nous a choisi. Hata vile atuchakula. Bien qu'il nous aime. Hata vile anesha tupenda. Mais nous récolterons. Lakini tutavuna. Chaque semence que nous semerons de la désobéissance. Il est mbeko yote tutapanda ya kutokuti. Il nous jugera pour cela. Atetusambisha kajua ile. Mais il le fera avec équité. Mais lakini atifanya na waki yote. Il va nous punir. Atetuapiza. Si nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à son cœur. Kama tunafanya kitu kimoja akimfurahishe. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins. Mustari ya kwanza, neno amilele kamwelekea Yeremia yule wa Filistia. Avant que Pharaon frappe Gaza. Mbele ya Pharaon apate kupika Gaza. Verset 4. Mustari ya ine. Parce que les jours arrivent. Sababu wa siku nafika. Où seront détruits tous les Philistins. Siku inafika ile wa Filistia wataharibu wote. Exterminer tous ceux qui servent encore d'auxiliaires. Wale wote weko na mtumikia sawa msaidizi. A Tyr et à Sidon. Kule ku Tyr na wale wa Sidoni. Car l'Éternel va détruire les Philistins. Kwani wa milele ataua wa Filistia. Le reste de l'île de Kafka Kaptor. Na mabaki ya kisanga ile ya Kaptor. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka yule wa neno lake. Dans les jours qui sont derrière nous. Mashiku yenye kwa mkongo yetu. Avant que ces deux hommes de Dieu viennent nous parler de la part du Seigneur. Mbele watu misho wa Mungu wawili wapate kusemezea kwa upande wa Bwana. On parlait sur Israël dans la prophétie. Tunaanza kusemezea yule wa Israeli katika unabii. Et exactement sur Israël avec ses voisins. Na kabisa kabisa tuanze kusemezea yule wa Israeli na wajirani ya nchi yake. Nous avons montré que le Seigneur Dieu. Tulisha kwamba sema Bwana Mungu. En voyant le comportement des frères voisins d'Israël. Mukona namna ya kutenda wala tabia ya wajirani wa nduku wa Israeli. Ils sont devenus très méchants. Bale barikuya na rumba kabisa. Très cruel. Bawaji. À l'égard de leur frère Israël. Kwa upande ya nduku yabo Israeli. En voyant tous les plans et tous les complots de la destruction d'Israël. Mukona matengenezo yabo baranza kutengeneza jua kuharibisha Israeli. Que méditaient leurs frères? Ile baranza kuwaza la fikiri. Le Dieu juste. Mungu mwenye haki. qui a élu Israël. Ule mwenye alichakula Israeli. Et qui l'a aimé par un amour éternel. Na alimupenda kupitia mapendo ya milele. Lui qui lui a donné un territoire parmi ses frères. Yarumpatia bulongo katikati ya banduku yake. Était obligé de prendre la défense de son peuple élu. Alilazimisha kukumbania taifa ile alichakula. Il a vu la souffrance d'Israël. Ariona mateso Israeli. Il a vu le comportement de ses frères. Ariona namna kutenda wala tabia banduku yake. Et Dieu a prophétisé sur ses frères voisins. Na Mungu alitabiri yule wa jirani yake yote ainchi. Il a prophétisé sur eux et annoncé. Aitabiri na kutangulia utangaza. Des jugements. Maukumu yuliabu. Comme ils avaient agi avec méchanceté, avec haine. Sablevo baritenda na rumbaya na chuki. Leur méchanceté et leur haine. Rumbaya yabu na chuki yabu. Devaient aussi les payer. Mungu naye aripasha kubaripa. Pour que Dieu soit juste en toutes choses. Sudi Mungu apate kwa mwenye haki vitu vyote. La semence que vous mettez en terre. Ile mbeko unaweka mbulongo. C'est ça la semence que vous allez récolter. Njo ile mbeko utavuna. Et vous allez récolter en abondance. Na utavuna katika utele ya mingi. Vous semez un seul grain. Ukipande mbeko moya mbulongo. Mais vous allez récolter plusieurs. Lakini utavuna ya mingi. Ils avaient semé la haine. Boba ripanda chuki. Ils avaient semé la colère. Baripanda kasirani. Ils avaient semé la méchanceté. Baripanda rumubaya. Ils avaient semé la destruction. Baripanda waribifu. Et Dieu a dit, vous allez récolter les mêmes choses. Na Mungu anasema ni bile bitu wa mupanda jo bile mtavuna. Et Dieu a annoncé cela. Na Mungu alitabiri anatangaza hili. Nous avons déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Na yule ile tunesha sema vitu ya mingi. Et le dernier dimanche, nous avons parlé de Gaza. Na dimanche amwisho tuanzemezia yule wa Gaza. Les Philistins dans leur ruse. Wa Filistia mubujanja yabo wala mukaramushi yabo. Ils ont fait un service d'auxiliaire. Barianza kufanya kazi mwa ya kusaidia. Ils étaient les aides de leurs frères. Barikuwa bo beko na saidia banduku yabo. Ils ont servi leurs frères. Banatumikia banduku yabo. Pour accomplir tous les plans méchants sur Israël. Ils se sont unis à leurs frères dans la haine. Bo barienda kujiunga na banduku yabo muchuki na murumbaya. Et Dieu dit, na Mungu anasema, je veux vous détruire. Na mweye temiua temiaribisha. Et Dieu le fera certainement. Na akika njoele Mungu atafanya. Nous avons beaucoup insisté dimanche. Dimanche turitia mukazo sana, tulisemezea sana. Que nous en tant que chrétiens. Ya kwamba shie ba Kristo. S'il y a une chose que nous devons éviter à tout prix dans notre vie. Kama kukintu kile tunapashi kuepuka na nguvu yote maisha yetu. Nous devons nous abstenir. Tunapashi kwanza kujikataria. Aide enene. Kusaidia mutu wa chuki. Aide un méchant kusaidia mtu wa roho mbaya à faciliter un méchant wala kumudlekeshia konjia mtu mbaya accomplir ses plans juu ende akatimize ile matengenezo yake mbaya apporter des malheurs apate kuleta hole sur quelqu'un d'autre yule wa mtu mwingine. Non, mon frère. Bana ndugu yangu. Non, ma sœur. Apana dada yangu. N'aide jamais un méchant. Usikapimake kama kusaidia mtu wa roho mbaya. N'entre jamais dans les sentiments d'un méchant. Usikapime nayo kujingiza mumania wala mawazo ya mtu mbaya. N'acceptez jamais les pensées des méchants. Apana kuichika mawazo ya mtu wa roho mbaya. Ne recevez jamais la haine qui vient des méchants. Apana kama kupokea chuki ile mtu wa roho mbaya na kuonesha. Pour accomplir ce dessein. Juu ya kutimiza makusudi lake. Ne le faites pas. Sikapimaye kufanya vile. Ne le faisons pas. Na tushikaifanyake kamwe. Cela doit nous aider nous tous. Ile inapaswa kutusaidia shibote. À éviter de prêter attention. Tuepuke kuteka angalisho. Au propos ou paroles négatives. Kumamisemo ya mubaya. Qu'un frère, qu'une sœur, il est ndugu moya wala dada, raconte contre un frère ou contre une sœur. Eko na semezea dada wala ndugu moya fulani. Nous devons nous garder propres. Tunapasha kujichunga safi. Même si un frère a péché. Ata kama ndugu yetu mwatenda zambi. Même si une sœur a péché. Ata kama dada yetu alitenda zambi. Il y a des voies légales. Kuko manjia ile tunayua mzuri. Des voies bibliques. Ya Biblia. Pour régler chaque problème. Juu ya kwenda kutengeneza mambo yote. Pour régler chaque péché. Juu ya kwenda kutengeneza zambi yote. Au milieu de nous. Katikati yetu. Parce que nous sommes des frères. Sababu tuko banduku. Nous sommes une famille. Tuko jamba moya. Nous avons un seul père. Na tuko na baba moya. Nous avons une seule mère. Na tuko na mama moya. Nous sommes les gens de la même maison. Tuko batu ba munyumba moya. Nous avons le même sang. Tuko na damu moya. Et au milieu de nous. Na kachikachi yetu. Nous devons éviter des conflits. Tunapasha kuepuka makokotano. L'amour doit régner. Ni mapendo tu jo napasha kutawala. Comme nous sommes des hommes. Sabia tuko bantu. Peut-il arriver qu'un frère qui ne sert kinesi kufika nduku wala dada agisse maladroitement anatenda munamna ile ya kufurahisha wala mbaya. Mais soyons patients. Mais lakini kuwa tu eba na uvumilivu envers notre frère yule anduku yetu envers notre sœur yule dada yetu. Prions pour lui. Tunaenda kumombea. Prions pour elle. Tunamombea dada. Pardonne-nous mutuellement. Tuanze kurumiana. Et nous devons nous supporter. Na tunapasha kuvumiliana pamoja na wengine. Parce que nous sommes une famille. Sababu tuko jamaa moja. Et Dieu ne voudra jamais. Na Mungu atapendaka kama. Que notre famille soit divisée. Tuanze kukabulana mujamaa yetu. Mais si tu ne vois pas les choses de la même manière. Avec un frère, avec une sœur. Ataka mama mmoja amone mudamu na moya. Vous avez des opinions différentes. Kila mtu ana namna yake ya kuona bitu. Pardonnez-vous. Tuanze kurumiana. Et supportez-vous. Na tuvumiliane. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Ne prêtez pas attention. Pana kwanza kuteka ngalisho. Au propos négatif. Kumisemo ya mubaya. Éloignez-vous de cela. Twende mbali na ile mambo. Parce que vous pouvez seulement. Sababu unaweza tu. Vous associez à un péché qui n'est pas le vôtre. Kwenda kuriunga wala kuriweka mzambi la inata yako. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Vous voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. N'allez pas vous plongez dans les affaires d'autrui. Hapana kwenda kujingiza wala kujitumbukiza mambo ya benyewe. Quand vous trouvez des frères en conflit, wakati unakuta banduku wawili abapatane be makutano wala badawa wawili. Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. Mungu alitupa huduma ya kupatanisha watu. Ne vous mettez jamais d'un seul côté. Wewe hapana kutegemea kungambo nduku wala dola moya. L'autre côté. Juu ya kuangusha au mwingine. Tu deviens un méchant. Pale na wewe unakuwa mtu mbaya. Ne faites pas cela. Fanye vile. Non mon frère. Pana nduku yangu. N'assistez personne. Pana kusaidia mtu. Dans le mal qu'il veut faire. Mubule bubaya anapenda afanye. N'aidez jamais une personne. Pana kusaidia mtu. Dans l'accomplissement. Dieu atimize. De ses mauvais plans. Il est matengenezo yake ya mubaya. Pour nuire à quelqu'un. Juu ya kuharibisha wala kuteswa mtu mwingine. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. C'est la chose que nous devons éloigner de nos cœurs. Na ni mambo ile tunapasha kuendesha mbali kutosha maho yetu. Rien dans votre vie. Pana faki tu atakima maisha yako. Pour nuire à un frère. Juu ya kuharibisha wala kuteswa ndugu. Wala dada. Dans l'église, Kanisa, ne faites rien pour nuire à la marche de cette église. Ya kuaribu, ne faites rien pour nuire à la marche de cette église. Pana kufakito ta kimoya, ne faites rien, de Kanisa, ne faites rien pour nuire à la marche d'une famille. Wala ne faites rien pour nuire pana à l'amitié des frères et des sœurs. Jua kuarabisha burafiki wa nduku wala badada. Pourquoi les deux là ils s'aiment? Il faut pas qu'abattre. Moi je dois les séparer. On doit éviter cela. Parce que tu as les mambo à vili. Oui bien aimé frère. Non Nandoku. Oui bien aimé soeur. Non Nadada Pendo. J'ai compris avec l'église de Kambov. Elewa na kanisa Kambov. Que quand on parle de la parole prophétique. Ça va quand tu as semé non on a bi. Comment tout le monde a pu entendre pas que prophétique. Lorsque nous allons c'est unabi, bato abeli hotel. Vous allez voir que les gens, c'est comme s'ils sont surpris, ils sont étonnés. Allez, en béba, il y a unabi. Vous allez voir que tout le monde, ils vont comprendre. Ah, voilà la raison pour laquelle il a pas encore mon enseignement. Je traîne avec ma fundisho. Vous voyez? Non. Parce que mina pas jacouenda d'abord. D'un côté enseignement, et j'amène cela dans l'évangile pour aider l'église. Dieu a aidé à Kanisa. Donc ce sont deux choses entièrement différentes. On prend l'enseignement, on le ramène à l'évangile et à la vie. Parce que tout ce que nous prêchons, pour que vous puissiez vivre ça. C'est pourquoi vous m'avez toujours vu, j'ai pas beaucoup de temps. Na ibaka wakati mulefu kana fundisha. Je ne sais pas comment Dieu m'avait créé. J'aime faire comprendre aux gens de la même façon que moi. Que Dieu vous bénisse. Mungu embariki. Il y a eu des prophéties. Kwa maonabi. Je pense jusqu'à ce point-là, tout le monde a compris. Zena kufika na hapa, mwobo uti munashikia abyo. Là, je ne faisais que la révision. Pale miranda tukurudiria. Ce sont des choses sur lesquelles on a déjà parlé. Ni bitu benye tunisha semezea. Donc, tukuye musalama. Sema, soyons en paix les uns envers les autres. Même si un frère ou une sœur. Takama kunduku wala dada. Un caractère difficile. Eko na tabia moya ya ngufu. Tuvumiliane. Soyons patients. Parce que tuko banduku. Sababu nous sommes des frères. Même dans la chair. Ata mumwili umu ma famille yetu. Dans nos familles. Ya kimwili. Chano. Mulamba tunaungana kwa njia ya damu. Là où nous sommes unis par les sangs d'Aersal, nous nous supportons toujours. L'autre, elle est colérique. L'autre, là, elle ne partage pas. Il y a un autre frère qui est de bon cœur, il partage. Et l'autre, il aime un peu de désordre là où il est. Mais tout ça, c'est la famille. Mais il est autre, Dieu n'a tout pas diama. On ne peut pas lui refuser, non, parce qu'il n'est pas mon frère, il est désordonné. Dans nos familles, les autres sont prostitués. Les autres sont des voleurs. Mais vous n'aimez pas que le mouin j'abakie mouin. Mais où ta peine dans ma ton frère voleur ou ta sœur prostituée qui reste comme ça. Ya kusema shukubo ya. Va supporter avec amour. Oyo ndugu yangu ndumba. Sachez que mon frère sœur prostituée voleur, il va changer un jour. Quand un malheur arrive à ton frère là, bandit. Ou le ban mwambi wenu ya bibabi na usikia wala dada yako le ndumba dans ton cœur là ça te fait très mal et sa mort ça te fera très mal et pourquoi ça te fait mal sababu mkuu na munga na damu et ça te fait mal pourquoi parce que tu l'as aimé et tu voulais voir ton frère ou ta soeur changer qu'il ne puisse pas mourir dans cet état kama mwili tunekara na imania à combien plus forte raison maranga pizaidi dans la parole de Dieu muneno la Mungu dans le sang de Christ mudamu ya Kristo vous voyez non c'est pourquoi nous devons comprendre les choses correctement. Je commence tu n'as pas ce que le habitu muzuri kama tunaelewa hii bintu muzuri si nous comprenons ces choses correctement atuanza kujiplendre atuanza kunungurikiana kusema sema chini chini même dans la chair atamu mwili famille mubaya. Une mauvaise famille. Jamamba, comment est-ce que vous allez me voir? Il y a des groupes. Kuna kwa tu mankunji kunji. Mukubwa na wa kunji. Avec les derniers, ils sont d'accord. L'autre sœur, l'autre frère, ils sont aussi d'accord. Vous voyez. S'il y a des problèmes, l'autre, ils vont se tirer à côté. Jamamba, banaza kombanishan. Et ça, c'est un royaume divisé. Il est nufalme ya kukabulana. Nous ne voulons pas ça dans l'église. Et même les gens de l'extérieur vont remarquer que éloignez-vous de cette famille, ce sont des désordonnés. Quand vous avez déjà dans la chair un tel témoignage, vous n'édifiez pas les gens. Même si vous commencez vos troubles, les scellés vont s'entretuer, c'est leur habitude. Vous comprenez ça? Non, Naïl. Et nous ne devons pas être comme ça. Nashi a toise quoi ville. Nous ne voulons pas imiter les frères d'Israël. Atpende kufatisha banduku yake Israël. Kama Mungu anabariki. Lorsque Dieu bénit. Mmoja l'un. Mmoja wetu. L'un de nous. Anabariki dada yetu. Béni notre sœur ou notre frère. Si tuko na mwanture. Nous nous l'entourons. Parce qu'il est baraka. Cette bénédiction là ne lui appartient pas. Il est baraka ni à famille. Cette bénédiction appartient à notre famille. Voyez. Non. Comme des insensés. C'est lui qui a volé notre bénédiction et nous laisse nous dans la souffrance. Ça, c'est être insensé. Nous ne comprenons pas les choses de cette manière-là. Tu as que bien tout quand nous nous aimons, nous avons des pensées positives. Et l'amour. Nous cimente. Iko netuunga netufanye tunakuwa nguvu. Et nous devenons effectivement forts. Na akika tunakuwa na nguvu yote. C'est vrai frère. Dieu vile nduku ya kweli. C'est vrai sœur. Ya kweli dada. Dieu a parlé sur l'Égypte. Mungu alisemezea yule wa Misri. Une prophétie contre l'Égypte. On a dit yamba yulu a mistri. Parce que l'Égypte aussi a mal fait. Sababu wa mistri nabo baritenda mbaya. Ils ont mal fait contre Israël. Baritenda mbaya Israël. Écrivez cela, je ne veux pas tout lire. Mista soma yote mwanzi kuandika. Ésaïe 19. Isaya 19. Il y a une prophétie. Contre l'Égypte. Dieu y a mistri. Et ici Dieu parle. Na apa Mungu anasema. Dans le verset 1. Mstari ya kwanza. Jusqu'au verset 15. Ufika pana na 15. Dieu parle de la chute de l'Égypte. Mungu anasema kuanguka kwa Misri. Ésaïe chapitre 19. Isaïa surakia kuminatisa. Dans son verset 1. Musalekia kwanza. Jusqu'au verset 15. Fika ata na kuminatano. Oracle sur l'Égypte. Ishara yulu ya Misri. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Tazama milele alipanda yule ya wingu ya haraka. Il vient en Égypte. Onakuya mu Misri. et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Je vais créer la confusion entre tous les Égyptiens. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Na bataza kombana nduku na nduku, rafiki na rafiki, muji na muji, ufalme na ufalme ingine. Comme ils ont agi méchamment en s'alliant avec leurs frères méchants, je vais créer de la confusion sur eux. Et entre eux, au point de les armer, les uns contre les autres, pour se détruire. Vous voyez, j'ôterai cette unité. Tatosha ile umoja beko nayo. Ile umoja barikuya nayo. Pa kwenda kukombanisha Israel. L'unité qu'ils avaient pour aller faire la guerre à Israël. Ils seront opposés. Na batanza kukombanisha na bobe nyewe. Un Égyptien. Mistri moya. Détruit un autre Égyptien. Anaua mistri mwingine. Ils vont commencer à se battre. Batanza kukombanisha na. Un frère contre un frère. Nduku moya anakombanisha nduku wake. La vie de Likasi. Mujalikasi. Attaque la ville de Lubumbashi. Nenda kombanisha muja Lubumbashi. Lubumbashi attaque la ville de Likasi. Aenda kombanisha Likasi. Kambova anaenda kombanisha. Anaenda kombanisha Kakanda. Kakanda anaenda kombanisha Kakanda. Ils vont se détruire. Batawana bobenyewe. Ils vont se détruire. Vous voyez bien mes frères. Unaona nduku mpeni. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Musare atatu, roya misti tapotea katikati yao. J'en tirerai son conseil. Na mitaribu atashauri yake. On consultera les idoles. Matanza nda kuuliza masanamu. Et les enchanteurs. Na ceux qui invoquent les morts et ceux qui président l'avenir. Mamifumu wale benaita bafu na wale. Je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Na mitatoa mistri mumikono ya mwalimu wana mongozi mwa Romu baya. Un roi cruel dominera sur eux. Mfalme mwa Romu baya tatawala yabu. Dit le Seigneur. Divi Bwana. L'Éternel des armées. Wa milele wa majesi. Et Dieu enverra beaucoup de fléaux. Na Mungu atatuma mateso mingi. En Égypte pour le détruire. Il enverra beaucoup de maladies. Les uns seront détruits par l'épée. Les autres seront détruits par les maladies. Les épidémies. Parce qu'ils ont agi. Sababu baritenda. Contre mon bien-aimé. Mubaya njui anduku ya mupendo wangu. Voyez bien mes frères. Non, pendo anduku. Voyez bien mes sœurs. Non, pendo adada. Ils ont touché à loin de l'Éternel. Barigusa kwa mpakaliwa wa Mungu. Et Dieu dit. Mungu anasema. Même la sagesse. Ata hekima. Et le conseil. Na shauri. Des conseillers de wale wa shauri wa falme. De l'Égypte seront anéantis. Wa Misri bote wataharibiwa. Ils seront tous comme des insensés. Bote batakuwa sawa pumbavu. Et aucun conseil ne peut réussir. Na hakuna shauri hata mwele batalete tawezekana. Parce qu'ils ont agi méchamment contre mon roi. Sababu baritendea murumu baya mpakalio wangu. Mon élu Israël. Mchakulio wangu Israël. Oui bien aimé frère. Ndio ndukumpendo. Oui, bien aimé sœur. Ils ont travaillé contre Israël. Ils étaient ensemble avec leurs frères. Ils ont conçu de la méchanceté, des plans méchants dans leur cœur. Et je vais aussi les détruire. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Vous lirez le reste. Comment Dieu va détruire Israël et va détruire l'Égypte. Et comment Dieu mettra sur eux l'esprit de vertige. Ils seront vraiment comme des hommes ivres. Des gens, ils agiront comme des fous. Leur méchanceté. La méchanceté de leurs actes. Retombera sur eux. Parce que ce qu'ils ont semé. Ils vont le récolter. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, au sujet de Jérusalem. Dieu a promis Mungwarilaka la restauration Kurudishwa et les bénédictions na mabaraka. Dieu a montré au monde Mungu arionesha kudunia mujima et il a signifié à Israël na anamwambia Israeli. Pourquoi il avait pris la résolution Dieu a nini arrivé à Mpango de les châtier ya kuapisa et de les chasser de son territoire ya kuafukuza mujimbo lake wala bulongo yake. Dieu a dit clairement à Israël. Mungu aliambia Israeli wazi wazi. Il dit certainement je vous aime. Sema kwa kweli nimependa. Comme j'ai aimé vos pères. Paka vie ni bebnda baba buzenu. Je vous ai donné ma loi. Nilimipatia sheria yangu. Je vous ai révélé ma volonté. Nilimifunulia mapenzi yangu. Pour qu'on marche en harmonie avec vous. Kusudi tupate kutembea musawa na mweni. Pour que vous et moi nous ne soyons pas en conflit. Kusudi mwe na mie tupashe kwa makutano. Pour que ma bénédiction demeure toujours sur vous. Baraka yangu pate kudumu et que ma protection soit sur vous na pour toujours. Na ukingo yangu kuye yulu yenu kwa lutu. Mais vous ne m'avez pas écouté. Lakini mwe amukunishikie. Vous avez brisé ma loi. Ulivunja sheria yangu. Vous avez désobéi à ma volonté. Muri vous avez commis l'iniquité. Vous m'avez vous-même irrité. En faisant cela, et dans ma colère, je vous ai châtié. Et je vous ai chassé. Et de mon territoire, le territoire que je vous ai donné, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit à Israël, Gwambia Israël, ni Dieu yaovu yenu, c'est à cause de vos iniquités, yo kile kilinishirikisha, c'est ce qui m'a irrité, na kinanifikisha, et qui m'a poussé, malgré minesha kumupenda, malgré que je vous aime, malgré minesha kumuchuku, malgré minesha kumuchakua, je vous ai jaeli, ni mufukuze, mais je vous ai chassé. Et dans le territoire, vous amenez loin du territoire. Inchi takatifu, la terre sainte, allez souffrir là-bas. Vous voyez, Munaona. Vous comprenez cela? Munaelewa. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munaelewa. Mungu akumbingu, le Dieu du ciel, anamwambia Israël. Il dit à Israël. Mapendo ile mimi nakupenda nayo. L'amour par lequel je t'aime. Ni mapendo ya milele. C'est un amour éternel. Njo kwa maana alliance nilifanya na baba yenu Abraham. Voilà pourquoi l'alliance que j'avais fait avec votre père Abraham. Ni agano ya neema. C'est une alliance de grâce. Ah. Il n'y a pas de conditions. Hakuna makanuni. Je vous aime. Nilipenda. aina juu mlifuana mlikuwa mlikuwa special. Parce que mlikuwa badamani kabisa. Hapana. Non. J'ai fait une alliance sincère avec vous. Nilifanya agano waki na wewe. Et je reste fidèle à mon alliance. Na mimi nabakia mwaminifu kwa ile agano. Je vous ai posé des conditions. Mais lakini nimekia makanuni. Je vous ai dit. Nimeambia usema. Tuchanze kukosana mwe na mimi. Nous devons pas nous tirailler entre vous. Nous devons nous connaître. Jo kwa maana. Voilà pourquoi. Kupitia sheria. À travers la loi. Nilifungula roho yangu. J'avais ya ouvrir mon cœur. Je vous ai montré ma loi. Dans la sheria. Et dans ma loi. Nuko ufunuo. Il y avait la révélation de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut et ce qu'il n'aime pas. Et regardez pas dans les nations qui n'ont pas la loi comme vous l'avez. Vous êtes un groupe spécial. Je vous ai séparé avec toutes les nations parce que vous êtes devenu une partie de moi. Maintenant, regardez ce que vous avez fait. Au lieu de respecter, d'honorer l'alliance qu'on avait fait avec vous et la volonté que vous avez révélée, vous l'avez brisé. Vous m'avez brisé le cœur. Vous m'avez irrité. Et la vie que vous aviez avant, ce n'est pas ce que je voulais voir en vous. Et vous êtes mis à vivre comme le reste du monde. Et cette vie-là, que j'avais refusé dans les nations, la vie-là, j'avais vu dans les nations et leurs mauvais actes, j'avais pris la résolution de détruire le reste des nations. Et c'est ce que je constate au milieu de vous. Vous avez brisé mon cœur et j'étais irrité. Malgré ma peine de yang, malgré mon amour, voilà pourquoi, dans ma colère, j'ai commencé d'abord par vous chasser du territoire dans le pays que je vous avais donné et je vous ai envoyé dans les nations, l'hôtel, là où vous étiez adorateur des idoles, allez adorer ces idoles que vous avez attiré dans le pays, allez souffrir dans ces nations-là, vous fiquez à la pâle, vous allez voir que ce n'était pas correct d'être en conflit avec Dieu. L'église est avec moi. Pas moi. Ça, on aurait dû expliquer. Ouais, tout ce que j'ai expliqué. Si j'ai commencé, si je peux lire, je ne peux pas avancer. Je vous donne la pensée. N'empathie à tout oise. En tout cas, nous sommes coulés comme belles. Les écritures que nous avons lues. Voyez, frère. Non, Andou. C'est pas mon nom là. Quoi, vous voyez. Dans l'une des questions qui m'avait été posée. Moi, à Maulizo Anulisa. J'avais insisté. Militaire Amkaz. Dire à l'église. Que il est impossible qu'un élu se perde. C'est ma ni mambo akushindaka na kabisa muteula poté. Un élu muteule ne se perdra jamais. Ata potéaka kamwe. Un élu na muteule ne commettra jamais. Ah oui, un péché impardonnable. Ufika mkutenda zambi le Mungu atamsamea. Un élu muteule bronchera certainement. Akika anawezi kukwala. À cause de l'iniquité, Dieu a ouvre. Dieu le châtiera. Mungu atampika. Mais le perdre. Mais la qui kumpoteza? Apana. Pourquoi? Dieu a dit. Une autre raison. Sababu ingine. Si un élu se perdait. Kama muteule anapotea. Dieu sera infirme. Sema Mungu atabakia kilema. Nous sommes en tant qu'élus les membres du corps de Christ. C'est avec nous que Dieu est parfait. Quoi bien, mes frères? C'est pourquoi quand nous allons loin, wakati tunaenda mbali, sa volonté, na mapenzi ya Mungu, il nous châtie. Mungu avait affirmé à tout pika, anetumiza kidogo, ule na mumiza, eko na uwezo ya kufunga bilonda, eko na uwezo ya kutunza kilonda mapigo, na njo ile eko nafanya. Il dit même, quand je vous châtie, ase wakati ne mipika, est-ce que c'est pas méchanceté? Eti ni njua roho mbaya nimpikia? Apana, non, apana. Aucun parent ne peut pas faire. Akuna muzazi hata mwanae zupika mtoto wake kwa gomba. Dieu est notre père. Mungu yeye ni baba yetu. C'est pourquoi nous prions. Je comment tunaombaka? Père céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Parce que nous sommes engendrés de lui. Ni yeye ndio alituzala. Voyez. Munaona? Dans nos âmes. Mu manafsi yetu. Il y a l'esprit de Dieu. Uko roho yake. Il y a la vie de Dieu. Uko bujima bwake. Cette vie. Na bure bujima bule. Qui avait été brisée. Bule burivunjwa. Qui est sorti du sang brisé du calvaire. Ile ni mwangia kwa msalaba. Calvario. Dans nos âmes. Oui, bien-aimé frère. Il nous châtie. Pour chaque péché. Dieu a zambiote. Oui, bien-aimé frère. Nous n'avons pas d'anduku. Et comme je le disais ici. Et Dieu dit. Il montre aux païens. À toutes les nations. Mataifa yote. Ne vous glorifiez pas. C'est ma mouche jisifu. Parce que j'ai châtié Israël. Dieu ne répique à Israël. Je l'ai remis entre vos mains. Mi bato mikono yenu. Et vous les avez fait esclaves. Na moye muri bafanya banako batumwa yenu. Mais maintenant je reviens à vous. Sasa mine mirudiria. Moi-même leur père. Mi munye baba yabu. Je me suis seulement irrité un peu là. Mi shirika tukaloko na batoto yangu. Mais vous. Mwenye. Vous êtes irrité à l'extrême. Muri pitisha mu zaidi. À vouloir de les exterminer. Muri pena mubaishe mubauwe wote. Si je les ai châtiés dans ma colère, je ne voulais pas les perdre. Maintenant vous les avez châtiés. Puisque même moi-même leur père. Ah, mi te mi apiza mwenye. C'est pourquoi Mungu eko na pika mataifa ninjua ile. Et il dit maintenant aux nations. Na anambia bato mataifa sasa. Je vais les restaurer. Na sema bo mite barudisha. Et je vais les bénir. Na te babariki. Oui bien-aimé frère. Dio ndukupendo. Oui bien-aimé sœur. Dio ndampendo. Et Dieu dit à tous ses voisins. Na Mungu anambia bajirani ya nchi yake yote. Et à toutes les nations. Na mataifa yote. Que Israël. Na sema Israeli. Que j'ai dispersé. Ule mimi zambarisha. Mujimbo yake. Je vais les retourner sur son territoire. Mita murudisha mu nchi yake. Il va posséder ces terres. Na atashika mabongo yake. Que moi l'Éternel je lui ai donné. Ile Mungu ndinupatiaka. Aucune terre. Hakuna bulongo hata moya. N'aucune terre. Hakuna kaburongo hata kamoya. Katikati ya bulongo yote. Ile Mungu alipatia Israeli. Ne sera perdu. Itabaki kupotea hapana. Israeli. Possédera ses terres. Atashika mabulongo yake. Ma bénédiction. Baraka yangu. Sera sur lui. Itakuwa yule wa Israeli. Il sera restauré. Atarudisha. Selon ma volonté. Kufuatana na mapenzi yangu. Oui, bien-aimé frère. Dio, ndugu mpendwa. Cette pensée ici. Iwazo. Joile, frère. Frère Jean Mundeke, Jean Mundeke voulait exploiter. Vous voyez. Munaona. Mais il n'avait pas le temps de le faire. Na wakati ya kufanya hili. Vous voyez. Munaona. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Kweli dada. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Mais il n'aime pas le péché. Lakini apendake zambi. Chie. Nous. Atona bantu akutenda nzambi. Nous n'avons pas droit de pécher. Non. Pana. Bantu, nous sommes des hommes. Bakuishi neno la Mungu. Ah, nous sommes censés de vivre la parole de Dieu. Kama Mungu alituchakula, si Dieu nous a élus, mataifa ingine, c'est pour que le reste des nations, d'autres peuples, nous en vivant la parole de Dieu, qui puissent découvrir que au ciel, il y a un Dieu véritable qui est sur la terre. Il y a ses enfants qui sont en train de vivre d'une manière très différente de nous. Nous sommes différents. Avec les autres. Na batuboti. Si vous comprenez ça. Kama munafika mkuelewa hii. Vivez ce que vous croyez. Muishi ile munaamini. Ce que vous prétendez. Muishi kile mko na wazia mwiko. Oui bien aimé frère. Ndio nduku. Abdias. Abdias. Abdias n'a qu'un seul chapitre. Abdias et on a baroa tumoya. Dieu promet la restauration d'Israël, Mungu analaka la restauration de Jérusalem, kurudisha kwa Yerusalema, et la bénédiction de l'Éternel. Na baraka ya milele. Abdias. Abdias. Prenons le verset 17. Saka kumina saba. Allez jusqu'au verset 21. Dieu promet cela. C'est pourquoi frère. En attendant le retour du Seigneur. Écoutez d'abord avant de lire ça. Nishie. C'est nous. Job est qu'on a chunga kurudia kwa Yesu. qui attendons le retour du Seigneur. Les pentecôtistes et ils ne sont pas en attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Les catholiques n'attendent pas l'enlèvement non plus les témoins de Jéhovah. Toutes les restes des dénominations, quand les mêmes ils sont en train de parler de l'enlèvement et ils sont en train de parler du retour de Jésus, mais ils ne sont pas en attente de ce Jésus et ils ne sont pas en attente de l'enlèvement. Dieu, dans son amour, il nous a envoyé la parole de la préparation. Tu ne peux pas attendre le retour du Seigneur et attendre l'enlèvement sans toutefois être dans le message qui prépare Caïfa qui va réussir le Seigneur. C'est toi et moi qui attendions. Maintenant, regardez. Le message biblique du temps de la fin a déjà été restauré. Dieu a envoyé les prophètes. Il a fait son travail. Il est déjà parti. Pour nous aider, à nous enraciner dans la vérité, à nous éclairer davantage, Dieu a envoyé un enseignant. Et Dieu a terminé avec lui. Et il est parti. Si Dieu termine la mission avec une personne, quand Dieu terminera avec moi, il va lui mettre à côté. Quand Dieu terminera avec toi, Dieu il va aussi te mettre à côté. Vous voyez? Non. Mais regardez ce que l'Esprit dit. Et ce que l'Esprit fait. En attendant le retour du Seigneur, comme l'épouse a déjà toute la parole, la totalité de la parole, vous voyez, la parole de Dieu a été restaurée dans sa totalité. Mais ce qui manque à l'épouse, c'est la restauration de notre vie. Maintenant, pour que notre vie soit restaurée, le Saint-Esprit insiste. Le Saint-Esprit nous demande l'obéissance à toute la parole de Dieu. L'obéissance et la mise en pratique de toute la parole de Dieu nous permettra d'être restaurés. C'est pourquoi vous voyez l'Esprit insiste beaucoup sur l'obéissance. Oui, bien-aimé frère. Il n'y a plus de temps. Nous sommes engagés à obéir à toute la parole de Dieu. Nous sommes engagés à vivre toute la parole de Dieu pour que cette restauration soit effective dans nos vies. Oui, frère. Voyez, sœur. Abdias. Verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Il va reprendre son héritage, ses terres, ce que Dieu lui a donné, ce qu'il possédait de la part du Seigneur. Et la maison de Jacob, c'est-à-dire tout Israël, reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Itakuwa moto. Et maison de Joseph une flamme. Na nyumba Yusufu itakuwa kibiriti. Ni kusema. Cela veut dire. Quand Israël sera restauré. Wakati Israël tarudishwa. Hakutakuwa tena mtu hata moja. Aura personne alors personne. Hakutakuwa taifa hata moja. Aucune nation. Itachezea tena Israël. Ira encore jouer ou blaguer avec Israël. L'église est avec moi. Kanisa tupa moja. Vile bali mchezea. Comme ils se sont joués. Wakati alikosana na Mungu. Au moment où il était en conflit avec Dieu. Mungu anasema. Et Dieu dit. Pale atarudia. Lorsqu'il va, il sera restauré. Mungu yake. Sur ses terres. Atabeba mali yake lilipachia. Il va prendre la possession. Inchi yake lilipachia. La nation que lui avait donné. Son héritage que lui avait donné. Mwile wakati. Et en ces temps-là. Akuna taifa. Il y aura aucune nation. Il y aura personne. Qui se jouera d'Israël. C'est vrai, frère. Tu ne peux pas jouer avec le feu. Vous savez vous-même ce que le feu fait. Noya, il est mort, ne karam kufanya. Et vous savez ce que la flamme de feu fait. Il est kimbirimbiri ya moto kinafanyaka. Bale bote ta kumcheza Israël. Tous ceux qui osera jouer à Israël. Batalungu batalungu. Seront brûlés. C'est vrai, frère. D'accord, Induku. Mais, écoutez, la maison d'Esaü Nyumba Isaya sera du chaume. Itakuwa ni majifu, maivu. Itakuwa ya nyashi. Itakuwa nyashi. Vous voyez? Mais, la maison d'Esaü waya kodele rene, jua chukiabu, sera du chaume. Itakuwa mayani. Quel aliment? Iyo atawakisha. Et consumeront. Na, italungua. Et? Na. Il ne restera rien de la maison d'Esaü. Na kunyumba Esaü akutabakia kitu hata kimoya. Car l'Éternel a parlé. Kono milele anasema. Vous voyez? À cause de la reine. Quand Israël sera restauré. Quand Israël sera restauré. Israël atarudishwa. Quand la maison de Jacob sera restaurée. Quand Jacob atarudishwa. Esaü à cause de la haine. Esaü à cause de sa propre haine. Lui sera consumé. Ye atateketezwa atalungushwa. Et il ne restera plus rien. Nakutawa kiatera kitu. Voyez bien mes frères. Ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Inizi Bwana anasema. C'est du midi. Bale ba katikati. Israël, la partie d'Israël qui occupe le midi. Kipanda Israël bale ba katikati. Posséderont la montagne d'Esaü. Uno batashika mulima Esaü. Voyez. C'est du midi. Voilà. Posséderont la montagne d'Esaü. Parce que lui-même n'existera plus. Sa haine va le consumer. C'est la plaine du pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Ephraïm. Et celui de Samarie. Na, il est à Samarie. Et Benjamin possédera na Benjamin atashika. Galad. Galati. Vous voyez. Mnaona. Voyez. Mnaona. Donc. Même Judas, Ata Judea, les Philistins, le Philistère, occupent le territoire de Judas. Les Gazaouites Gaza, occupent le territoire de Judas. Mais quand ce temps viendra, les propriétés de ce territoire, jimbo, vous voyez, unaona, Ephraim et Benjamin, Ephraim, Benjamin vont occuper leur territoire. Les captifs wafungwa de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Serepta. Vous voyez? Unaona? Et les captifs de Jérusalem wafungwa Yerusalem qui sont à Saraf wale yoko kusarafta posséderont les villes du midi. Watashika ile muji. Les villes. Ile muji du midi. Yakulo midi. Vous voyez? Unaona? Dieu promet. Mungu analaka. Qu'Israël sera restauré. Sema Israël tarudishwa. Et il va retourner. Na watarudia. Sur ces terres. Pambulongo yabo. Vous voyez? Unaona? Écrivez cela, allez le lire à la maison. Mwandike mtasoma unyuma. Esaü 11. Isaya 11. Versets 11 à 16. J'ai lu ça comme un échantillon. Pour vous montrer que Israël sera restauré. Israël atarudish. Vous voyez. Non. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel a commis tatou natissa. Ézéchiel. Chapitre 39. Verset 21. Jusqu'au verset 29. Ézéchiel 39. Ézéchiel 39. Commencez au verset 21. Jusqu'au verset 29. Ici, je peux quand même lire. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Verset 21. Ézéchiel 39. Verset 21 à 29. Je manifesterai ma gloire parmi les nations. Et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu. Dès ce jour et à venir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. Je crois que la Israël à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face. Tena ndio ficha uso yangu. Et donc il va fuchaka. Il parle. Je ne sais pas expliquer. Il n'y a pas expliquer. Comme Congoï. Vous voyez. Et je les ai livrés entre les mains de leur ennemi. Afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leur suie. Et leur transgression. Et je leur ai caché ma face. John, il allait vous expliquer. Quand Dieu explique aux nations d'Israël pourquoi il les avait châtiés. C'est pourquoi, ainsi parle le l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Et je serai jaloux de mon nom, de mon saint nom. Alors, ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Lorsqu'ils habitaient en sécurité, ils habitaient en sécurité leur pays. Et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai entre les peuples. Quand je les rassemblerai du pays de leur ennemi. Je serai sanctifié par eux. Aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Qu'ils les avaient amenés captifs parmi les nations. Et qu'ils les rassemblent dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Je laisserai Israélite à ta moya, même Katikati ya mataifa, dans les nations. Vous voyez, comme Dieu ne laissera aucun élu dans une dénomination. Zébou. Amen. Le temps me manque de dire ça. Quand il nous conseille de faire ça, il est Doku. Aucun élu qui est prédestiné à l'enlèvement ne restera dans la dénomination. Aucun élu qui est prédestiné à l'enlèvement ne restera dans une fausse doctrine. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Cette écriture. C'est écrit. Il a l'amico de Dieu. Yamungu. Sortez du milieu d'eux. Token katikati yao. Ne pas ce qui est impur. Shiguse kumekwachafu. À leur temps. Wakati yabo. Vous voyez. Unaona. Bale bakingari mazeb. Ceux qui sont encore dans une nation. Bakingari qui traînent encore chez les devins. Bakingari mubulezi. Qui traînent encore dans l'ivrognerie. Dans la prostitution. Afa wenami. Na wale ni komba musulman. Et ceux qui sont encore dans les musulmans chez les devins. Vous voyez. pendant que nous sommes en train de parler, tous ceux qui sont des dieux, ils vont rentrer dans la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Dieu ne laissera aucun élu dans une dénomination. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement dans aucune dénomination. Si un homme dans la nation se trompe, je serai enlevé dans une dénomination. Pour être enlevé, il faut être dans la parole restaurée. Neno yenye kurudishwa le message na ujumbe ya Biblia ya wakati ya mwisho. C'est vrai, frère. Jo vile nduku. C'est vrai, ma soeur. Jo vile dada, ni kweli. Tout celui qui est prédestiné à la ule wote atakao tarisha jo nyanyuliwa anapatikana kwa Mungu atarudishwa kwa kweli. C'est vrai, frère. Amen. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada yangu. Je ne serai chez elle aucun d'eux. Chitacha kule kwa mataifa hata mmoja. Je me sens moi aussi religieux. Nami ne tikiani kwa kidi. Voyez bien mes frères. Non anduku. Voyez bien mes sœurs. On a dada. Non. Je leur cacherai plus ma face. Na site wa ficha tena uso yangu. Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Nyumba Israël. Dit le Seigneur l'Éternel. Bwana wa milele anasema. Oui bien mes frères. Dio nduku mpendwa. Oui, bien-aimé, Dieu t'a d'empêndo. Le temps nous manque de parler. Nous avons constaté Dieu a causé ma imambo katika opani. Si nous entrons ici, on peut mouji. Faire même une semaine ici. Oui, bien-aimé, frère. Dieu nous compendo. Oui, bien-aimé, sœur. Dieu t'a d'empêndo. Car l'esprit de Dieu. Wakati roho ya Mungu. Viendra sur l'épouse. Inakuwa yule bibi harusi. Frère. Duku. Toutes les nos différences. Ma kukosa kuelewana. Nos différences. Kukosa kuelewana kwetu. Seront réglées. Kutatengenezwa. Munona ma division iko koleo. Ni division qui voyons aujourd'hui. Pas tu vas pas prendre courir là. Les gens veulent ma différence yabo. Le cosa patana kwabo ulendu. Achamini samia na mimi nafuchwa bongo. Frère. Duk. Joye le munashika mimi unasema. C'est que vous entendez toujours. Il y a des gens qui me comprennent mal. Ba tu arekala munyelo mba. Ma division abunyama. Nasema ce sont des divisions spéciales yenye kuambatana na mwili tu. Duku, le temps viendra. Wakati itakuya, ça ne sera pas. Haitakuya, par les prédications. Kupitia maubiri, des prédicateurs. Dieu a maubiri. Cela se fera. Ile itafani, cette unité. Ile umoja itafanika, cette révélation. Ile ufunuo, cette compréhension. Ile kuelewa, se fera. Itafanika, uniquement. Tu, par la puissance de Dieu lui-même. Sans le secours d'aucune main, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra altérera nos différences. Même les mauvais sentiments existent entre frères. Quand le Saint-Esprit viendra, il opérera cela. L'amour parfait réel, l'amour agapao se manifestera parmi le peuple élu. Ça, ce n'est pas le travail. Même si vous parlez mon français et mon anglais, bon swahili, ça ne se fera jamais. C'est l'action de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fera le travail. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Quand l'esprit sera wakati roho itazambazwa, kukosa kuelewana kwetu namna yetu akona shibote, namna ya kushinda kuelewana shibote, mnaona itapotea, ça va disparaître. Ce n'est pas pour rien aina kwa bule que Paul a dit, Paulo alisema à cet âge, c'est pas que nous sommes arrivés, marchons ensemble, Dieu lui-même qui viendra nous éclairer. Voyez bien mes frères. Mnaona nduku. Les ministères font leur travail. Ils apportent la parole. Ne crois qu'ils parlent de surnaturel. Il est réservé à Dieu lui-même. Ouais, bien, mes frères. Et ceux qui lisent Frère Franck, regardez la dernière phrase. Avant que Frère Franck ne meure, il s'inquiétait. J'ai dit à Frère Franck, quoi, il a ce qui reste, moi-même, je vais l'accomplir. ça ne dépend pas de moi ou de notre prédicateur. Ça dépend de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Tout sera restauré. Et ceux qui comprennent cela disent Amen. Amen. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Notre devoir, notre responsabilité, C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. Notre devoir. Quand vous avez une condamnation, ne résistez pas. Répentez-vous. Parce que les enfants de Dieu sont obéissants. Le Saint-Esprit Dieu le donne à ceux qui lui obéissent. Si ton cœur te dit que ce que tu fais n'est pas correct, écoute ce que ton esprit te dit, arrange. Même si tu ne vois rien, là où tu as rangé, attendez le moment de Dieu, la puissance de Dieu te saisira pour te changer, pour changer. Ça ne dépend pas de ces efforts. Nos efforts nous rendent hypocrites. C'est lui qui a la puissance de changer, c'est Dieu lui-même. Et le changement s'est fait, c'est par une création d'une nouvelle vie. La parole Neno, que vous gardez comme semence, le Saint-Esprit comme l'Esprit, comme l'eau, viendra sur cette parole là, et ça va créer en vous une nouvelle nature qui amène une délivrance totale. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, c'est pourquoi obéissez. Le temps de la restauration, c'est pour bientôt. Vous croyez cela? Alors dites ça, un amen très fort. Amen, yangufu. Amen. Que tout celui qui attend cette restauration dise amen. Amen. Que celui qui attend cette restauration dise merci Seigneur. Que celui qui attend cette restauration dise Seigneur, kuja. Amen. Mungu anibariki. Simame njoo kuomba. Levons-nous pour la prière. Simame njoo kuomba. Recevez cette parole. Ineno. Parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Sababu ni hivi Bwana anasema. Que Jésus-Christ. Yesu Kristo. Le Dieu tout-puissant. En son nom qui nous a donné. Jina lake la kupewa. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jina yote. Voyez, unaona, le nom qui est au-dessus de tous les noms, majina yote, le nom qui est béni éternellement, milele, au nom de Jésus Christ, recevez ce que vous croyez. Unaamini. C'est vrai. Bien quoi? On chante ce cantique que nous avons. Soyez sûr, frère. Mukuye na akika. Ne doutez pas. Ushishakie. Uko mtoto wa Mungu. Tu es un enfant de Dieu. Kama Mungu alikutosha si Dieu t'a fait sortir de l'oppression. C'est parce que Dieu a un plan avec vous. Bile a ushikie mzuri. C'est que toi tu n'arrives pas à comprendre aujourd'hui. Demain tu le comprendras. Kila Mungu yako na kuomba. C'est que Dieu te demande. Kankamana. Pas de découragement. Hakuna kulekea. Faites votre part. Oui, faites tout cas, Yako. Dieu fera sa part. Tu vas te faire. ensemble. Pendant que la chorale continue. Prions tous ensemble.